Le comité central du Front démocratique pour la réunification de la patrie a publié le 7 un appel à toute la nation coréenne. Voici le résumé. 71 ans ont passé depuis que toute la nation a été animée par la joie de la libération nationale et la passion de l'édification d'une patrie nouvelle, mais aussi depuis que l'armée américaine a occupé la Corée du Sud tout en bafouant cet événement heureux. C'est ainsi que les Américains ont coupé en deux un seul territoire, une seule nation et le lion de sang des Coréens. Ils étaient les vrais gouverneurs en Corée du Sud des dizaines d'années durant. Mais c'était des occupants illégaux, car ils n'ont ni documents ni conventions pour justifier leur domination de la moitié sud de notre pays. L'armée américaine d'occupation sud-coréenne est vraiment le foyer de toutes les catastrophes et douleurs inscrites dans l'histoire contemporaine de la nation coréenne, le synonyme de l'agression et de la guerre et le symbole de l'injustice et du mal. La fierté, l'honneur et l'avenir de la nation coréenne dépendent absolument du retrait de cette bande de brigands. Avec les hautes consciences et responsabilités du sort national, nous devons nous rompre résolument avec les forces étrangères odieuses pour ouvrir vigoureusement une nouvelle ère de l'indépendance nationale et infliger un châtiment sévère aux agresseurs américains avec la haine et l'indignation accumulées afin de libérer complètement le pays et la nation. Toute la nation doit faire de la bougie de la lutte contre Saad le flambeau de la résistance anti-américaine et s'engager unanimement à la lutte pour empêcher les exercices de guerre téméraires des États-Unis contre le Nord et les démarches pour l'accroissement de leurs armements. Toute la nation doit supprimer sans pitié la bande traîtresse qui protège la politique d'agression américaine contre la Corée et s'adonne insensément à la confrontation fratricide. Elle doit également rejeter le servilisme aux grandes puissances qui corrompent sa pensée et sa conscience saine et préparer par nos propres forces la réunification et la prospérité nationale. Les forces progressistes du monde attachées à la justice et à la paix doivent s'intéresser à la lutte contre les États-Unis et la guerre que la nation coréenne mène de siècle en siècle et se tenir activement la lutte sacrée et juste pour le retrait de l'armée américaine d'occupation de la Corée du Sud. Personne ne peut empêcher la marche de notre nation pour repousser les agresseurs américains et ouvrir une nouvelle ère de la réunification indépendante, de la paix et de la prospérité. La victoire finale est à la nation coréenne.